Les habitants du village me disent que je ne suis pas sage, qu'il faudrait travailler, que c'est bon pour la santé. Je leur dis de ne pas s'en occuper, mais ils ne peuvent s'en empêcher. Tant pis, je reprends mes bagages, c'est sûr, demain je déménage. Les habitants du village ne parlent que d'héritage, de la pluie et du beau temps, parfois grondent les enfants. Je leur dis prenez du bon temps, mais ils ne peuvent, c'est angoissant. Tant pis, je reprends mes bagages, c'est sûr, demain je déménage. Les habitants du village ne tournent jamais la page. Ils savent tout et ont tout vu, surtout quand ils ont bien bu. Je leur dis qu'il y a de l'abus, mais ils se foutent de la vertu. Tant pis, je reprends mes bagages, et c'est sûr, demain je déménage. Les habitants du village me disent que je ne suis pas sage, que je ne suis qu'un minable, que je peux aller au diable. C'est vrai, je n'écris que des fables, c'est tout ce dont je suis capable. Tant pis, j'ai repris mes bagages, c'est sûr, demain je déménage.